rencontrer. Là j'ai tout de suite su que ma vie allait changer. Je n'avais plus aucune envie, mais tu m'as redonné goût à la vie. Car si longtemps que tu m'aimes moi, je me sentirai fort. Je serai voué à toi et cela jusqu'à la mort. Car si longtemps que tu m'aimeras, j'aurai immortel pour que l'amour que l'on a puisse devenir éternel. Oh, si longtemps que tu m'aimeras. Oh, si longtemps que tu m'aimeras. Oh, si longtemps que tu m'aimeras. Oh, si longtemps que tu m'aimeras. Oh, si longtemps que tu m'aimeras. À la mort, j'ai cru ne pas avoir le droit au bonheur. Jamais je ne souriais, mais tu m'as libéré la peine que j'avais. Oh, si longtemps tu m'aimeras, je déplacerai les montagnes. Mon cœur sera libre comme s'il sortait de son bagne. Oui, aussi longtemps que tu m'aimes moi, j'aurai envie de vivre. Je croirai notre amour jusqu'à en devenir libre. Oh, aussi longtemps que tu m'aimes moi. Oh, aussi longtemps que tu m'aimes. Ton nom, je ne ferai aucun faute, pas commettrai aucune faute. Car tout ce mal est tendre, moi tu balayes tout l'autre. Je ne me vois pas autrement que côte à côte. Aussi longtemps que tu m'aimes, moi je serai fidèle. Comme un oiseau, privé de ses ailes. Avec toi tout est beau, magique et étincelle. Et chaque fois c'est le tas pour m'enivrer mon sorcelle. Aussi longtemps que tu m'aimes, moi je me sentirai fort. Je serai voyage.